Le comité préparatoire pour la célébration du 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung est constitué au comité africain pour l'amitié et la solidarité avec le peuple coréen siégeant au Nigeria et le comité préparatoire sri-lankais pour le 105e anniversaire de naissance de son excellence Monsieur le président Kim Il-sung à Colombo. Alors que les comités préparatoires pour la Journée du Soleil, au comité du Parti communiste de la Fédération de Russie pour la province d'Amour et à la filiale du territoire maritime de la formation sociale des vétérans de guerre de toute la Russie, Amitié combative. Ils ont décidé d'organiser diverses cérémonies politiques et culturelles à l'éloge de la vie révolutionnaire sacrée et des exploits immortels du président Kim Il-sung.